Le temps de réaction est en moyenne d'une seconde à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.